Orlino. Seigneur El Khalif. C'est freestyle. C'est le premier. La vie c'est risqué, comme laisser sa gaufre sur l'arc de Sainte-Julie. Les putes te sucrent le dos et puis te font une piqûre d'insuline. J'ai bien su lire dans ton jeu faussé d'avance. Trop c'est navrant de voir que tu l'attends. Moi je viens causer ma chance. C'est quoi, j'aime foutre le faya. Tu crois que je rigole depuis l'école, c'est moi je picole. Et maintenant je tousse de l'aïa, je me mets des roustes royales. Je me tue avant que vieillesse le fasse. On vit dans des avions de chasse, il est trop cool ce voyage. Seigneur Zoom, je grimace. Hey Miss, pourquoi tu l'as fait à deux seigneurs pour le prix d'un seul? Avec des looks de primates. Si t'entends ça, tu perdras du poids plus qu'un régime. Minceur. Des mains de maçon, pas de masseur, on vient de claquer la bouche. Dans les tempêtes, c'est les tempêtes, pourtant t'aimes trop taper la poudre. T'as plus de pouls, on t'a tué avec nos quelques lignes. Tout est permis, de fruits défendus, les jeunes n'ont qu'à le cueillir. On fait du rap pendant que toi tu joues les ténors. Écoute, Seigneur Lino, Seigneur El Khalif, yeah. Ça fait la mine vidée, mon pote c'est pas les écrits qui manquent. Je tire des cartouches avec un beat sur la tête, pas sous un grasse carlaï. En stock moi je possédais des amis qui manquent. Donne-moi de l'essence que je foute le feu à toute leur mascarade. Y'a pas de balade sur l'auto que j'écrase leur carnage grave. Plus pitié pour toutes ces trompettes, oublie leur partition. Je ne bois plus vos paroles, arôme panache crabe. Côté humain chez toi c'est néant, y'a R. À part tes sons et vers tes sons de canette vide, je vais te fêler la cabeza en parlant d'elle. C'est son super en peine à vacale. Tu veux te noyer dans mes propos, viens par là je vais te caler ça. S-E-N-O-R-L-I-N-O dans la cabine. Je fais couler l'encre en guise de remède. Ouais souvent je débute pas de là, je suis pas photographe. Mais je vois que ton image est négative. Je reste économe sur mes principes, même quand j'ai plus ta like. Je prends du plaisir à poser, encore plus qu'en négatif.